Depuis tout petit, mes sentiments sont là. Depuis tout petit, je ne rêve qu'à toi. Je pourrais tout faire, même le pire de tout. Ma chérie, pour te plaire, je vivrai tout. Je vivrai tout. Que tes mains se posent sur moi. Je vivrai tout. Je vivrai vraiment tout. Que ton rire soit lié à ma voix. L'amour sur le lit sera comme la Californie. Je deviendrai ta plus folle envie.